Alors que j'étais encore une enfant et que j'avais été très sage, comme vous l'êtes ce soir à m'écouter, grand-mère me pria de traîner tout près de son grand fauteuil mon petit banc, les coudes sur les genoux, le visage dans mes petites mains. Voici ce qu'elle me conta et que j'écoutais tour à tour anxieuse, effrayée, joyeuse, comme vous allez l'être aussi. Il était une fois, dans un petit village appelé Clairefontaine, parce que dès qu'on atteignait la première maison, on était enchanté par le doux murmure de l'eau d'une source, mêlé au bruissement léger et mélodieux des grands arbres de la forêt toute proche et du gazouillis de ses nombreux habitants, les oiseaux. Dans ce village charmant vivait, avec son papa et sa maman, dans une jolie maisonnette, une ravissante petite fille aux longs cheveux noirs et bouclés, aux grands yeux bleus et rieurs, et que tout le monde aimait tant elle était douce et gentille. Comme elle portait toujours un manteau à capuchon rouge que lui avait confectionné sa maman, on l'avait surnommée le petit chaperon rouge. Par un beau jeudi du mois d'avril, sa maman lui prépare dans un petit panier d'osier une galette de maïs, un pot de miel et du chocolat, apporté à sa grand-mère malade qui habite de l'autre côté de la forêt. La maman fait ses dernières recommandations à sa fille. « Sois sage et obéissante, chaperon rouge. Souviens-toi que tu ne dois jamais quitter le sentier qui te mène tout droit à la maison de Mère Grand. Ne va pas dans les petits chemins creux où se tapit le loup. Caché dans les buissons, il guette les petits enfants. » La maman embrasse tendrement son enfant qui lui promet d'être obéissante. Et la voilà bientôt sur la route, sautillant d'un pied sur l'autre, tilali, tilala, et son petit panier saute joyeusement au rythme de ses pas. Le vent qui s'engouffre sous son capuchon la fait ressembler à un gros ballon rouge. Elle suit gaiement son chemin en riant et babillant, parce que c'est jeudi, parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il y a du soleil et qu'elle va voir sa bonne grand-mère qui la gâte tellement. Mais qu'a-t-elle vu? La voici qui court à travers la forêt, délaissant son chemin. C'est qu'elle a aperçu son ami Bambi, le petit Fan. Mais il est taquin, il joue à cache-cache, se dissimulant derrière les arbres. Ce qui fait la joie de notre petit ami, qui le poursuit en riant aux éclats, et son rire cristallin résonne dans la forêt en fait. Soudain, Bambi disparaît. Il se sauve de toute la vitesse de ses petites pattes grêles. Que se passe-t-il donc? C'est qu'il a aperçu Messire le loup surgissant d'un fourré. Il s'approche calmement, pesant lourdement sur ses grosses pattes velues, baissant modestement la tête pour ne pas effaroucher la fillette. Chaperon rouge, dépité d'avoir perdu de vue son ami Bambi, se dirige toute confiante vers le loup, car elle est si gentille qu'elle aime tous les animaux et ne peut imaginer qu'il en existe de méchants. « Bonjour, messire le loup, je suis Chaperon rouge. Et toi, comment t'appelles-tu ? » Prenant sa voix la plus douce, le loup répond. « Je suis Isengrin. Et j'aime beaucoup les enfants, tu sais. Où vas-tu toute seule, petit chaperon rouge ? » ?»« Je vais chez Mère Grand qui est malade. Il lui porte une galette de maïs, un pot de beurre et du chocolat. Mais je suis très en retard. Au revoir, Isengrin, à un autre jour. Je dois retrouver le chemin qui me mène tout droit chez Mère Grand. » »« Attends, chaperon rouge. Je vais te montrer un chemin bien plus court et plus joli. Tu vois, celui qui serpente à droite près du grand chêne, suis-le tout droit. Moi, je vais prendre la grande route qui est plus longue, mais je vais plus vite avec mes grandes jambes. Nous verrons qui sera de nous deux arrivé le premier chez ta bonne grand-mère. » « Bravo, quelle bonne idée !» s'écrie le petit chaperon rouge en battant des mains. « À tout à l'heure, Isengrin !» Et Chaperon rouge s'en va en folâtrant par le sentier que lui a indiqué le loup. Elle est toute joyeuse d'avoir un nouvel ami parmi les animaux. Mais Cyrus en grain est si gentil et si aimable. Comment les grandes personnes peuvent-elles en dire du mal? Bien sûr, c'est une histoire que racontent les parents pour faire peur aux petits-enfants que celle de dire que les loups mangent les gens. La fillette s'arrête de ci, de là, à cueillir des fleurs. Ici, embrassant un bleuet, là, collant son oreille tout contre les cloches des jacinthes dont elle comprend le langage secret, et elle en fait un joli bouquet pour offrir à sa grand-mère. Quelle drôle de petite fille que ce petit chaperon rouge! La voici toute barbouillée du jus des fraises, des bois et des myrtilles qu'elle ramasse à poignée. Mais comme elle est très bonne, elle choisit les plus belles et les plus grosses qu'elle dispose sur de la mousse dans son petit mouchoir pour les donner à sa mère grand. Quittons un instant Chaperon Rouge et rejoignons Isengrin. Dès qu'il eut quitté la fillette, il fila de toute la vitesse de ses grandes pattes et en quelques minutes le voici arrivé à la maisonnette de la grand-mère. Il frappe le plus doucement possible à la porte. « Qui est là ?» demande la bonne vieille dame. « C'est moi, ton chaperon rouge !» minaude le loup en adoucissant sa voix. « Entre, mon enfant chéri, tire la chevillette et la bobinette chéra. » Isengrin pousse violemment la porte et bondit dans la chambre. D'un autre bond, le voici près du lit où la grand-mère tricote. Et se jetant sur elle, il la dévore d'une seule bouchée. Sans perdre un seul instant, Isengrin enfile la chemise de nuit de la grand-mère, pose un bonnet de dentelle sur sa tête, ajuste sur son long nez les lunettes de la pauvre vieille et s'enfilant sous les draps, il dissimule le plus possible le bout de son long museau. Et pour achever de tromper la fillette, il fait semblant de tricoter. Il attend Chaperon Rouge, tout heureux du bon tour qu'il lui a joué. grogne-t-il joyeusement. C'est le petit Chaperon Rouge qui frappe de son petit doigt menu. Elle trépigne d'impatience, tant elle a hâte de combler de ses cadeaux sa bonne mère grand. Tire la chevillette et la bobinette, chéra, lui crie Isengrin en prenant une petite voix enrouée. La fillette entre joyeusement, suivie de quelques-uns de ses amis qu'elle a ramassés au passage, Jeannot le lapin gris, Fifi le petit moineau, Mère Poule et ses poussins, Minet le chaton blanc. Mais Chaperon Rouge s'arrête, n'osant approcher du lit de Mère Grand, ouvrant de grands yeux tant elle est surprise de sa transformation. Mère Grand, oh Mère Grand, comme tu as une grosse voix. C'est que je suis très enrhumée, mon enfant. Mais approche et ferme la porte. Il fait froid, répond le loup d'une voix adoucie. Mère Grand, comme tu as de grands yeux, demande Chaperon Rouge, approchant d'un petit pas vers le lit. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, mais comme tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mère Grand, comme tu as de grands bras. C'est pour mieux te prendre, mon enfant, s'écrie Isengrin en la saisissant dans ses bras. Il est si heureux de voir qu'il arrive au but qu'il oublie de changer sa voix et découvre en riant ses longues dents. Oh, Mère Grand, pleure petit chaperon rouge, comme tu as de grandes dents. C'est pour mieux te dévorer, mon enfant. Et à ces mots, le méchant loup se jette sur la petite fille et l'avale d'une seule bouchée. Devant cet affreux spectacle, les amis de Chaperon Rouge s'enfuient, apeurés, et vont appeler au secours de leur cher petit ami, les bûcherons du voisinage. Jeannot Lapin, Fifi, Mère Poule et ses poussins, toutes ces braves petites bêtes clopinent, sautillent, se hâtent désespérément vers la clairière en poussant des cris plaintifs. Surpris par ces cris désolés, les bûcherons, dont le père de Chaperon Rouge, abandonnent leur travail et accourent au devant de la petite troupe, car ils ont compris qu'il se passait quelque chose de grave, tant les braves petites bêtes manifestent leur désespoir. Armés de leurs plus grandes haches, les bûcherons courent à travers la forêt, suivant le chemin que leur indiquent les petites bêtes et qui mène à la maisonnette de la grand-mère. Enfin, ils arrivent à bout de souffle, et par la porte grande ouverte, ils peuvent voir, ronflant comme un soufflet de forge, le méchant loup repu par son copieux repas, ce qui fait bondir le gros édredon rouge. Habilement, le papa de Chaperon Rouge, aidé de ses amis, attache les pattes du loup et d'un coup de hache lui ouvre le ventre. Tapis dans un coin serré les uns contre les autres, les pauvres petits animaux attendent anxieusement, les yeux pleins de larmes. « Papa, papa !» s'écrie le petit Chaperon Rouge sortant du ventre du loup et se frottant les yeux. « J'ai eu si peur et il faisait si noir !» Et la petite fille se blottit en pleurant de joie dans les bras de son brave papa. Et les braves petites bêtes les entourent en sautant de joie, tandis que les autres bûcherons aident la grand-mère à sortir à son tour. Depuis ce jour, notre gentil petit Chaperon Rouge n'a plus jamais désobéi à sa maman.